Thank you. Thank you.

We'll be right back. riche taf. Pas de panique, j'suis au boulot soumettif. J'ai un canif, j'suis tactique du ciboulot quand d'autres s'étouffent. Trop sadique du goulot, mangera pas à bout de souffle. Comme un asthmatique sous l'eau. Et pourtant j'manque pas d'air, comme le grognement d'un tigre. J'suis comme le maniement du sabre. Tu pensais me gérer, mais j'ai des raisons de générer des lésions. Fédérer, discret, défiler, légion. Anonymer le peuple qui se lève et lutte. Je ne suis qu'un humain parmi tant d'autres. Et pendant la chute de ce système, je le toise depuis les cieux, vieux. Des étoiles dans les yeux. Des étoiles dans les yeux. Thank you.